faite pour moi. Elle a tapé dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi. Elle a un but. Cette nana, elle est faite pour moi. Eda, Eda, Eda, la mienne. Je suis comme tous les autres cœurs qu'elle trouvera dans le club. J'ai le goût de la bête, le goût de la folie. J'ai la recette pour passer des folles vies. J'en ai connu des bad girls, bad girls, mais aucune d'elles m'a fait vibrer ainsi. Non, non, en moi il se passe un truc chelou, chelou. J'ai le plus du clubbeur, à cause d'elle devient rêve. Elle sait se mettre en valeur pour m'attirer. Elle sait avoir le sourire qui me fait kiffer. Elle sait que j'aime sa manière de procéder. Elle sait que dans sa vie je voudrais m'initier. Elle sait la voir danser pour me charmer. Elle sait que je suis un homme intéressé. Mes sentiments pour elle font que grimper. Elle a la recette de mon cœur. Elle, elle a un truc qui me prend tout le temps d'avoir. Elle a un truc, elle a un truc qui me fait. Elle a un truc qui me fait perdre la tête. Je la veux, je la veux, je l'aurai. Elle a un truc qui me prend tout le temps d'avoir. Elle a un truc, elle a un truc qui me fait. Elle a un truc qui me fait perdre la tête. Perdre la tête. Elle fout la rage, à toutes mes phases elle fait barrage. Fait passer pour un gamin à mon âge. Dans le miroir face au narcissique. Elle est fraîche si si, elle me rend saucy. Elle me fait kiffer des sons que je ne connais même pas. J'aimerais tellement la voir bouger sur moi. Les mauvais garçons tremblent à chacun de ses pas. C'est un fauve, un guépard, comment la guépa. Hey, coquette comme Carrie Bradshaw. Fait flipper, hey, tous les machos. Hey, fort, hey, pas que je perde le matro. Cette petite me donne chaud. Hey, hey, hey, elle a un truc qui me prend tout le temps d'avoir. Elle a un truc, elle a un truc. Elle a un truc qui me fait perdre la tête. Je la veux, je la veux, je l'aurai. Elle a un truc qui me prend pour un avoir. Elle a un truc qui me fait. Elle a un truc qui me fait perdre la tête. De perdre la tête, perdre. Elle est mon idéal, mon médicament, ma plante médicale. Soigne mes blessures, mes douleurs cervicales. Elle a le truc qui fait mal. Cette sensation est vitale. Elle a ce qu'il faut, ou il faut pas des défauts. De quoi perturber l'ego, les copains sont pas beaux. Les manies comme l'ego, je voudrais qu'elle soit ma peau. Elle a un truc qui me prend tout dans ta voix. Elle a un truc qui me fait. Elle a un truc qui me fait perdre la tête. Je la veux, je la veux, je l'aurai. Elle a un truc qui me prend fou quand je la vois. Elle a un truc qui me fait perdre la tête. Perdre la tête, tête, tête.